De l'énergie. Vous le savez déjà depuis un certain temps, la première, et à peu près tout le monde dans le reste du monde, bouscule ses programmes. Histoire vivante suit le mouvement. On est allé chercher dans les archives, nos nombreuses, nos innombrables archives, et nous avons retrouvé, exhumé, une semaine que nous avions consacrée à l'époque aux épidémies et aux pandémies, un thème malheureusement tristement d'actualité. Voici donc notre épisode intitulé Monsieur le Cinquième. Les scientifiques de l'OMS sont perplexes. Il est difficile de dire maintenant comment la maladie va évoluer. La grippe aviaire en Turquie, 9 personnes contaminées, 3 en sont mortes. Détecter d'éventuels signes de mutation du virus. Alors comment la situation va-t-elle évoluer? À vrai dire, on n'en sait rien. La grippe ne se propage pas en une seule grande vague épidémique. Il ne s'agit pas d'un grand tsunami. Elle se propage en plusieurs vagues, comme cela a toujours été le cas. Cette semaine, pandémie et maladie négligée. Grippe, malaria et paludisme, de Pasteur à Bill Gates. Pour combattre la maladie, il fallait d'une part non seulement tuer les rats, dératiser, mais il fallait également désinsectiser pour tuer les puces, afin de rompre cette chaîne épidémique. Un grand pas dans la lutte contre le sida. Le virus de la polio s'accroche encore dans une trentaine de pays. Généralement, quand un virus revient, il est alors plus sévère qu'initialement, car il veut survivre. Qui est donc cet homme honoré comme Bouddha ou le Christ? Qui est donc ce grand-papa qui n'aime plus qu'on lui parle dans sa langue maternelle? Qui a le goût du voyage, le goût du risque, de l'aventure et de l'équité? Une morale, une éthique, l'humanisme, des valeurs préservées. Au prix d'une carrière sacrifiée. Quel est donc l'esprit de l'Institut? Quel est le combat? Quels sont les soutiens? Les oppositions? Quelle vision de l'homme s'affrontent ici? Ce sont là quelques-unes des questions que nous aborderons dans cet épisode intitulé « Monsieur le Cinquième ». Toute la population de Natrang l'aime. Tout le monde. Toutes les personnes de la province de Kanoa l'aiment bien. Tout le monde le prend comme un grand-papa. L'homme dont il est question ici sera un grand solitaire. Également un grand oublié de l'histoire de la médecine. Il m'a dit comme ça, mon ami. Si je veux avoir une femme. Il m'a dit comme ça, mon enfant, si je veux avoir une femme, je perds la moitié de ma vie. Il dit qu'il perd la moitié de sa vie. Il voulait passer toute sa vie à la science, à la recherche. À la recherche. Celui que l'on vient d'entendre a donc connu celui dont nous allons parler, Alexandre Yersin. Annick Perrault, conservatrice du musée Pasteur à Paris. Alexandre Yersin est d'origine suisse. Il est né le 22 septembre 1863 à Lavaux, dans le canton de Vaud. Et après son baccalauréat, il s'est dirigé vers les études de médecine, qu'il a commencé d'abord en Allemagne, à Marbourg, et ensuite à Paris. Il est venu à Paris. Yersin poursuit ses recherches. Il choisit la diphtérie comme thème de travail et la tuberculose comme sujet de thèse. Ses travaux sont reconnus. Il devient célèbre dans le milieu scientifique. 1888, jour du Nouvel An. Yersin dîne en compagnie du professeur Roux chez Louis Pasteur. Pasteur l'adopte et l'intègre à son équipe. Le nouvel institut est inauguré. Un an plus tard, année de toutes les fêtes, 100e anniversaire de la Révolution, la tour Eiffel en construction. Pour Yersin, la voie semble toute tracée. Une brillante carrière de chercheur au sein de l'Institut Pasteur. Mais il y a un mais. Yersin est le démon du voyage. Annick Perrault. Pour satisfaire ce besoin de voyager, Yersin trouve un biais, c'est-à-dire qu'il s'engage comme médecin de bord dans la compagnie des messageries maritimes. Et malgré la tristesse que Pasteur et Roux ont de le voir partir, mais le choix de Yersin est très déterminé, eh bien Pasteur va accepter d'écrire une petite recommandation auprès de cette compagnie des messageries maritimes. De la Méditerranée à la mer Rouge, de la mer Rouge à l'océan Indien. Yersin navigue, Yersin est comblé. Saïgon, 20 octobre 1890. Chère maman, me voici dans ma résidence depuis 2 jours. Hier, j'étais encore absolument désorienté, ahuri. Car ici, tout est nouveau, étrange, bizarre. Et puis, il fait chaud. Et tout le monde qui me dit que nous sommes en plein hiver. La mer, entre Saïgon et Singapour, était unie comme un lac. Et sauf la chaleur, le trajet aurait été des plus agréables. Saïgon n'est pas situé au bord même de la mer. Il faut remonter une rivière pendant 4 heures pour y arriver. Et on ne peut le faire qu'à marée haute, car il y a en certains points des bancs de corail. Le 18 octobre, vers 2 heures de l'après-midi, nous arrivions à son embouchure et après avoir embarqué le pilote, nous avons commencé à cheminer entre 2 rives basses, recouvertes de buissons et de palmiers nains. De temps en temps, nous passions devant un village indigène bâti sur pilotis sur un bras latéral du fleuve. Peu à peu, on voit les palmiers devenir plus grands. Puis on aperçoit des petits bois de cocotiers où jouent des singes. Enfin, voilà quelques vertes prairies. Puis, nous arrivons devant des maisons européennes. L'Oxus tire un coup de canon, jette l'ancre. Nous sommes arrivés. Histoire vivante. Cette semaine, pandémie et maladie négligée. Aujourd'hui, Monsieur le Cinquième. Un beau jour, Alexandre Yersin se retrouve à bord d'un navire longeant les côtes du Vietnam. Un Vietnam alors divisé en 3 entités. Au nord du pays, le Tonkin. Au centre, l'Annam. Au sud, la Cochinchine. Les 2 premières entités sont protectorat. La dernière, colonie. J'ai 2 ou 3 jours devant moi pour m'acclimater un peu. Je ne vais pas au bord du Volga pour me présenter, car il est mouillé au milieu de la rivière, que je n'ai pas d'argent du pays et que je me trouve extraordinairement dépaysé. Heureusement que le commissaire de l'Oxus a l'amabilité de m'autoriser à coucher encore une fois à bord. Il me prend avec lui pour faire une promenade en voiture avec un commis de l'agence. Nous partons à 8 heures du soir. Donc à la nuit noire, dans une fort jolie calèche attelée de 2 petits chevaux qui n'ont jamais cessé de trotter. Nous avons traversé un pays boisé qui, vu ainsi de nuit, paraît fantastique. On croirait rêver. Le but de notre course est Cholem, ville chinoise située à 10-12 km de Saïgon. Je ne veux pas t'en parler aujourd'hui en détail parce que je compte y retourner. Figure-toi seulement des rues non éclairées où circule une foule de gens à longue queue tressée et portant chacun à la main une petite lanterne. Nous sommes entrés dans un théâtre. Les Européens ne payent pas. Là, grande foule de Chinois qui écoutent gravement la pièce en fumant de longues pipes. Sur la scène, Des musiciens font un charivari affreux. De temps en temps, ils s'arrêtent. Et par une porte latérale, entrent sur la scène deux, trois acteurs, dont l'un, toujours avec une immense barbe. Ils se racontent en gesticulant des choses qui, probablement, sont très intéressantes, puis sortent par une autre porte. La musique reprend, puis les mêmes acteurs, ou d'autres, rentrent par la première porte, etc., etc. Et la représentation dure toute la nuit. Se rendant de Saïgon à Haïphong, le bateau de Yersin fait escale, et là, c'est le coup de foudre. Après Saïgon, le premier point d'arrêt fut Nha Trang. Il faut 28 heures pour y arriver. On mouille à une mille de la côte et on ne reste qu'une heure. Aussi, il n'est pas possible de descendre à terre, et c'est dommage. Le pays est très montagneux, paraît très pittoresque, et les tigres y pullulent. Il se fait construire une pirogue et accoste bientôt sur les lieux. Il a 28 ans. D'emblée, il est conquis par la beauté de Nha Trang. Il s'y installe. Tout le séduit. Le charme naturel de l'endroit, son calme, la simplicité de ses habitants. Je suis Chang Kuangsang, fils de Monsieur Chang Kuangse, dont le père est originaire de Binding Quinyan et s'est marié et installé à Nha Trang. Quand il avait 10 ans, Monsieur Yersin l'a amené à la maison. Il l'a élevé, puis l'a envoyé apprendre des métiers à Saïgon. Chauffeur, frigoriste et électricien de maison. Yersin est affecté donc sur la ligne des messageries maritimes entre Saïgon et Manille. Annick Perrault. Et lors d'une escale à Saïgon, il apprend qu'un médecin français est arrivé à l'hôpital. Il va le rencontrer. C'est Calmette qui est mandaté par l'Institut Pasteur de Paris pour créer un Institut Pasteur à Saïgon qui sera le premier institut hors de France. Yersin décline l'offre de Calmette. Il rêve d'aventure. À cheval pour établir le tracé d'une route, avec un montagnard s'enfonçant à pied dans les forêts. Un beau matin, il quitte Nha Trang. Objectif, traverser la montagne et atteindre le Mékong. Si le littoral du Vietnam est alors bien connu, il n'en est pas de même de l'arrière-pays. Une région inexplorée, une terre insalubre. Un peu partout, des tribus, des minorités ethniques, hostiles au pouvoir central. L'exploration est indispensable. Yersin intègre le corps de santé des colonies et des pays de protectorat. Une relative sécurité financière. Il part bientôt en compagnie de 5 auxiliaires vietnamiens. En 2 mois et demi de marche, Yersin atteint son but. Une moisson d'observations, plus d'une centaine de clichés photographiques et une cartographie précise de la région parcourue entre la côte et le Mékong. Tout ceci effectué à titre personnel, sans aide de l'État. Fin janvier 1893, Jean-Marie de La Naissant, gouverneur d'Indochine à Saïgon, lui confie une nouvelle mission. L'exploration des régions montagneuses du sud de l'Annam. Un projet est à l'étude, celui d'un réseau routier reliant Saïgon aux régions montagneuses. Il faut donc étudier le secteur, les richesses naturelles, les capacités d'élevage du bétail. Yersin atteint les hauts plateaux au début de l'été. Face à lui se dresse le massif du Luang Myan, 1500 mètres d'altitude. Sorti de la forêt des pins, Je suis profondément impressionné devant un immense plateau, ondulant de collines aux lignes molles, rappelant l'océan moutonnant de larges flots. C'est un vaste plateau dénudé de près de 400 km², au milieu desquels s'élève une montagne. Je crois la région saine parce qu'elle est dénudée. Il fait une température moyenne de 18 degrés au printemps. C'est délicieux. On croirait les Alpes pendant l'été. Yersin lance l'idée de créer une ville sur ce massif. Ce sera Dalat. Plus tard, Yersin organisera de nombreuses expéditions et des travaux de recherche sur le climat, le réseau fluvial, la température, les ethnies, les langues. Elles feront l'objet de publications. Philippe Buchy, conseiller scientifique à l'Institut Pasteur de Nanchang. Il va s'intéresser à la météorologie et c'est ainsi qu'en 1939, il va réussir à prévoir un terrible typhon qui va pratiquement anéantir la ville. Et la prédiction de ce typhon va lui permettre d'avertir à temps les pêcheurs, de les faire rentrer au port ou de les empêcher de partir. Et il va les accueillir dans ce qu'il appelle son blockhouse, sa maison qui est fabriquée en dur. Et les pêcheurs ainsi que les villageois vont ainsi s'abriter du typhon et ça va épargner beaucoup de vies. Chan Kwan-sang, petit-fils adoptif d'Alexandre Yersin. Il étudiait régulièrement la météo. Quand il voyait venir du vent fort, il appelait mon père, qui devait prévenir les pêcheurs par l'intermédiaire du chef de groupe. « Il ne faut pas qu'ils partent loin en mer », lui disait-il. Chan Kwa, réalisateur de bande dessinée. Le hasard a voulu que je fusse un petit écolier participant à la colonie de vacances à Nyacha avec des camarades de bon âge. Et dans cette colonie de vacances à Nyacha, avait une visite chez la demeure du docteur Yersin. Et là-bas, le docteur Yersin nous a conduit à un télescope de hauteur presque 3 à 4 mètres, avec une longue vue, très longue, comme une colonne, puisque nous étions des enfants, des écoliers, c'est-à-dire c'est la première fois dans ma vie que je peux voir une lunette astronomique comme ça. Et le docteur Yersin nous a conduit dans la chambre, et là-bas, il nous a montré le soleil, la lune, et aussi les étoiles. C'est très intéressant, très joli. C'est-à-dire, dans ma vie aussi, c'est la première fois. L'émerveillement d'un côté, mais non loin, la terreur. La peste qui bientôt gagne le port de Canton. L'épidémie couve dans le Yunnan et le Kuntang. Le Tonkin est doublement menacé. Yersin signale au gouverneur général le danger de propagation. Mais la peste atteint bientôt Hong Kong. Histoire vivante, cette semaine, pandémie et maladie négligée. Aujourd'hui, Monsieur le Cinquième. Alexandre Yersin, chargé d'étudier la peste au Yunnan, désire avant tout se rendre à Hong Kong. Il y parvient grâce à l'intervention du docteur Calmette auprès du ministère. 15 juin 1894. Hyacinthe est sur place. Un véritable cauchemar. Une vision d'horreur. Rue déserte. Maison barricadée. Fenêtres murées. Les longues agonies dans d'atroces souffrances. Les soldats anglais patrouillent dans les rues. Ils doivent repérer les pestiférés, les transférer, souvent par force, à l'hôpital Kennedy Town. Circonscrire l'épidémie, coûte que coûte. On enterre les corps dans les fosses communes. On les recouvre de chaux. Pour les Chinois, cette action est très mal perçue. Attachés au culte des ancêtres, à leurs rites, à leurs traditions, pour eux, cela revient à condamner l'âme du défunt à l'errance éternelle. Des émeutes éclatent. Les Anglais répliquent par la répression. Ambiance tendue à l'extrême. L'hôpital est un mouroir. Les pestiférés agonisent dans les couloirs. L'arrivée de Hyacinthe est mal perçue par les uns comme par les autres. Mais que peut un homme muni d'un autoclave et d'un microscope? Un médecin japonais, Kita Sato, a reçu la bénédiction de tous pour étudier la peste à Hong Kong. Hyacinthe se voit interdit d'accès à l'hôpital. Impossibilité pour lui de disséquer les cadavres. Il décide de mener les recherches de son côté. Il se fait construire une case, en bambou. Deux pièces, l'une pour y habiter, l'autre pour travailler. Il installe ses tubes de culture, ses cobayes. Contrairement à Kita Sato, qui réalise des prélèvements de sang sur les cadavres des pestiférés, Hyacinthe, lui, est persuadé que c'est dans les bubons, ces excroissances abominables et putrides qui se développent sous les aisselles, qu'il faut chercher. Mais comment faire? Il lui faut des cadavres. En payant des marins anglais, il réussit à en dérober quelques-uns. Il n'y a que 7 jours qu'il est arrivé. Wu Dokong, océanographe, biologiste. Alors pour vérifier cette théorie, Hyacinthe a inoculé le bacille de la peste, le soi-disant bacille de la peste, à des cobayes et à des souris. Alors les souris sont mortes en 24 heures et les cobayes ont mis 3 à 6 jours pour mourir. Mais le plus important, c'est qu'à la fin, tous les cadavres des animaux présentaient les fameux bubons, les affreux bubons de la peste. Philippe Buchy. Immédiatement après avoir découvert le bacille de la peste à Hong Kong, Hyacinthe va revenir à Paris et là, avec Roux, Borel, Calmette, ils vont essayer de mettre au point un vaccin en chauffant le bacille de la peste à 58 degrés pendant une heure. Ils vont réussir à l'atténuer et le vaccin va être efficace lorsqu'il est injecté par voie sous-cutanée à des lapins. Vidocrine. Et devant les résultats satisfaisants, il passe au cheval. Et avec le cheval, donc, ça permet de produire une grande quantité de sérum. Des injections répétées de bacille dans les voies intraveineuses du cheval permettent de l'immuniser. Et le sérum produit par le cheval permettait de protéger le cobaye, le lapin et surtout les souris. Et en fait, après l'injection du bacille de la peste, 12 heures après, si on injectait le sérum, on pouvait éviter le déclenchement de la maladie. Hyacinthe ne crie pas victoire. Il sait pertinemment que la peste n'est pas encore battue. C'est comme un monstre aux mille tentacules qui meurt et qui renaît de ses cendres. Donc, pour lui, la peste n'est pas encore vaincue. Donc, les tests sont faits d'abord sur des petits animaux. Et si ça marche, donc, on les essaye sur un grand animal, comme le cheval. Et si c'est satisfaisant, à ce moment-là, on peut produire une grande quantité de sérum qui peut être utilisé pour d'autres expériences ensuite, et éventuellement passer à l'homme. La peste, quant à elle, au bout de quelques mois, elle a régressé et elle est partie d'elle-même, comme elle était venue. Philippe Buchy. Et donc, il décide tout naturellement de revenir dans cette base de Niatran qu'il avait découverte quelques années plus tôt au cours de ses voyages et d'y construire son premier laboratoire ici même, dans une petite ville assez isolée qui lui permet à la fois de ne pas mettre en péril les populations et d'un autre côté de pouvoir facilement avoir accès à la mer, pouvoir repartir très rapidement en cas d'épidémie en Chine ou dans n'importe quelle partie du Vietnam. Vudoki. Yersin n'a pas à attendre bien longtemps. Dès 1896, la peste réapparaît à Canton et à Hanoï en Chine. Philippe Buchy. Lorsqu'il arrive à Canton, l'évêque de Canton demandera de sauver un jeune séminariste du nom de Tizé, qui est atteint d'une forme très avancée de peste. Yersin expliquera à l'évêque que son sérum n'a pas encore été testé chez l'homme, qu'il n'a aucun résultat à lui proposer, si ce n'est que cela marche chez l'animal. Devant le cas absolument dramatique de ce jeune séminariste chinois, Yersin et l'évêque décident donc de tester ce nouveau sérum qui se révélera parfaitement efficace et sauvera le jeune chinois d'une mort certaine. Vudoquin, océanographe, biologiste. Il est très mal accueilli par les autorités chinoises qui voient en lui quelqu'un qui vient non pas pour sauver des vies humaines, mais plutôt pour essayer de tester l'efficacité de son vaccin. C'est vrai que jusqu'à présent, aucune expérience, aucune tentative d'injection du vaccin n'avait été faite sur l'homme. Et de plus, la société chinoise est très traditionnaliste et très méfiante vis-à-vis de la médecine occidentale. Alors finalement, bien entendu, Yersin finit par trouver des familles chinoises qui étaient dans le désarroi. Ils avaient des proches qui mouraient. Et ces familles ont souhaité que Yersin applique le sérum à leurs proches. Donc Yersin a administré le sérum aux malades et les premiers à qui il a fait cette administration sont spectaculairement remis de leur maladie. Yersin a émis l'idée à l'époque, idée aujourd'hui banale et évidente, que le rat était le premier animal à contracter la peste et à le véhiculer. En effet, dès son arrivée à Hong Kong, il avait remarqué le très grand nombre de rats morts dans les rues des quartiers affectés. Il y avait donc un vecteur pour transmettre la peste du rat malade vers le rat sain, et c'est là qu'on a découvert que c'était les puces qui transmettaient le bacille de la peste, qui était le vecteur principal du bacille de la peste. La chaîne épidémique était donc bien décrite. Pour combattre la maladie, il fallait d'une part non seulement tuer les rats, dératiser, mais il fallait également désinsectiser pour tuer les puces, afin de rompre cette chaîne épidémique. Notre épisode était donc intitulé « Monsieur le Cinquième », une réalisation d'Isabelle Barthes. Demain, la suite de cette rediffusion sur le thème tristement d'actualité des pandémies et des épidémies. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.